chance de... Bonjour tout le monde, nous ne sommes pas au Salon du Livre de Paris, contrairement à tous mes collègues qui vont présenter leur émission à partir de là-bas. Nous n'y sommes pas parce que les portes ne sont pas encore ouvertes, mais croyez-moi, en ce jeudi 19 mars, dans votre réveil culturel, on ne parlera que de ça, des livres, avec tout d'abord notre série consacrée à la traduction. Christine Laferrière est avec nous. Dans un instant, quatrième épisode de notre série « Traduire, être soi dans l'ombre d'autrui ». Et en deuxième partie, je recevrai quelqu'un qui a sorti un livre qui tombe sur le milieu littéraire, une satire qui tombe à pic pour parler des livres et de ce milieu. François Bégodeau sera là pour parler de son dernier roman « La politesse » édité chez Gallimard. Mais pour commencer, notre tête chercheuse. Má maminka neví, ani vědět nesmí, za kým mé srdenko ve dně v noci teskní. Těžko jeně, těžko. It was very imprudent of him. Na mojem srdenku, jak by něho svázal hedvábnou šňůrečku. But when Barry saw the splendor of the chevalier's appearance, the nobleness of his manner, he felt it impossible to keep disguise with him. Traduire, être soi dans l'ombre d'autrui, c'est notre série de la semaine. Aujourd'hui, quatrième épisode avec Christine Laferrière. Et aujourd'hui, liberté, soumission, traduction, tout un programme. Bonjour donc Christine Laferrière, je rappelle que vous avez traduit aussi bien Tolkien, Toni Morrison que Pessoa. C'est quand même trois univers très différents. Chaque livre est un univers différent, dirais-je. Oui. Et à chaque fois que je traduis un texte, à chaque fois j'ai l'impression d'être habité par ce texte. Alors c'est là effectivement qu'on peut parler de forme de soumission intellectuellement. On est soumis à cette histoire, on est soumis à ces personnages. Moi, j'ai toujours l'impression, en fait, que ma tête devient un grenier qui habite qui abrite un univers et qui habite des gens qui ont tous les droits. Et il faut accepter ça. C'est pour ça que il faut être à l'aise, il faut aimer le texte, il faut aimer ses personnages et puis l'esprit qu'ils trahissent, les choses qu'ils font, tout à la fois dans le. Est-ce qu'il faut connaître l'auteur, par exemple, Christine Laferrière? Est-ce que vous saviez tout de Toni Morrison, de ses engagements, de ce qu'elle a écrit auparavant, de son physique? Est-ce que tout ça, ce sont des éléments très importants? Ou au contraire, il ne faut pas s'encombrer de tout ça, il faut juste se concentrer sur le texte? Il peut être intéressant de savoir que pour tel auteur, tel terme aura particulièrement telle valeur. Voilà, maintenant, on ne peut pas traduire un texte en gardant constamment en tête la biographie de l'auteur. Il faut voir que le texte peut être indépendant de ce qu'aurait vécu l'auteur. L'auteur n'a pas forcément à révéler ou à s'inspirer de soi, il peut faire autre chose. Donc voilà, je dirais qu'il y a une part de cas par cas. Alors quand vous parlez de liberté, de quelle liberté s'agit-il ? Une fois encore, la liberté intellectuelle, dans la mesure où je vais être passablement obsédée donc par le texte que je traduis, il y a d'ailleurs une part de travail qui se fait inconsciemment, sans que je m'en rende compte, les choses infusent, et puis alors des fois, vous ne savez pas pourquoi, dans des circonstances totalement inattendues, et hop, le mot que vous cherchiez surgit, et hop, la bonne phrase arrive, alors que vous aviez essayé de la trouver, et ça n'arrivait pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne à certains moments. Donc on n'a pas franchement cette liberté, parce qu'il faut accepter aussi d'être interrompu dans ses pensées ou autre chose, par ce terme qui jaillit soudain après un processus de maturation qui vous échappe. Et puis on n'a pas de liberté tout simplement parce que voilà, le texte est là, il faut restituer, il faut traduire, c'est-à-dire une fois il faut respecter encore, des délais aussi. Oui, mais le délai ça dépend. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours eu des délais qui me permettaient de prendre mon temps. Mais ça si vous voulez, c'est un critère qui est indépendant de la nature du travail. Voilà. Mais dans le travail lui-même, vous obéissez à l'auteur dans la mesure où c'est son texte qui fait la loi dans les limites de ce que le français peut faire. Voilà, parce que vous n'allez pas accumuler les solécismes sous prétexte que l'auteur a employé tel mot ou tel mot avec tel verbe, ce qui ne se ferait pas dans notre langue. Donc voilà, il n'y a pas non plus de hasard en traduction. Je ne peux pas m'amuser à changer la couleur du papier peint si jamais elle ne me plaît pas. Il n'y a pas beaucoup de spontanéité non plus dans le fait qu'il est nécessaire de 20 fois sur le métier remettre son ouvrage. Il faut y revenir, il faut toujours polir. Donc je ne crois pas qu'il y ait grande liberté. C'est l'intérêt d'ailleurs de l'exercice, je pense. C'est d'être soumis. D'accepter de se soumettre, oui. À ce texte. Oui, oui, oui, vous savez, la théorie psychanalytique qui dit que le traducteur est à peu près la femme de l'auteur. Oui, c'est un petit peu ça, oui. Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des livres qui sont plus faciles à traduire que d'autres? A priori, oui, je voudrais vous dire, Christine Laferrière. Oui, certainement, oui. Certainement, puis peut-être aussi selon les données personnelles qui sont celles du traducteur. Si vous avez l'habitude d'un certain style d'ouvrage et que vous réussissez à traduire de nombreux ouvrages de ce même style, peut-être aussi que ce sera plus facile. Voilà, il y a une langue extrêmement travaillée n'est jamais facile. Un livre stylistiquement remarquable n'est jamais facile. Alors, vous maîtrisez bien, on l'a dit, la langue anglaise, en plus du tchèque, mais vous la maîtrisez très bien, cette langue, Christine Laferrière. Oui, mais restons modestes, il y a des domaines que je ne maîtrise pas. Le montage d'une voiture dans un atelier, j'aurais beaucoup de mal déjà, parce qu'en français, c'est un domaine que je ne maîtrise pas et je ne conduis pas. Donc voilà, toutes les occasions pour moi ont été perdues. Donc si jamais je devais traduire un passage afférent donc au montage d'une voiture ou même à une partie de football, je vous l'avoue. Que ce soit en français ou en anglais, ça sera la même chose. Voilà, ce sera la même chose. Mais si vous voulez, la difficulté sera double, parce qu'il faudra aussi que je me renseigne sur la façon dont on évoque les choses en français pour pouvoir prétendre déjà comprendre ce qui se dit en anglais bien et le restituer correctement. Non, mais parce que j'ai envie de revenir sur cette idée reçue, et vous-même, vous me l'avez précisé ce lundi, quand on traduit toujours vers sa langue maternelle. Mais pourquoi ne pas imaginer, puisqu'on maîtrise très bien les deux langues, traduire, par exemple pour vous, Amélie Nothomb, Virginie Despentes, Michel Houellebecq, ou que sais-je, est-ce que vous avez cette tentation, quand vous lisez des romans français ou écrits en français, d'imaginer ce que ça pourrait donner, traduit en anglais ou en tchèque? Alors, imaginez ce que pourrait donner une phrase dans une langue étrangère, oui, mais imaginez ce que pourrait donner l'œuvre intégrale, non. Je crois que le traducteur... Vous n'avez jamais été tenté par cet exercice? Moi, jamais. Take me, oh yeah. On parle de traduction en utilisant deux termes, liberté, soumission. Est-ce que ça se joue entre ces deux, Christine Laferrière? Est-ce qu'il y a d'abord une liberté de choisir le texte qu'on a envie de traduire? Alors, si on vous fait une proposition et qu'elle ne vous convient pas, vous pouvez toujours effectivement la refuser. Maintenant, dans le cadre même du travail, oui, traduire, c'est choisir. Parce que voilà, on va se dire, est-ce que pour traduire tel terme, est-ce que tel synonyme ou tel mot, ou peut-être telle expression à la limite. Et c'est ça qui est difficile, c'est que choisir, c'est déchirant. Parce que choisir requiert une part de liberté, mais vous êtes contraint en fonction d'éléments stylistiques, grammaticaux, en fonction des sonorités du français. Donc choisir est extrêmement difficile et parfois ça peut être déchirant. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué de traduire. Moi, je me rappelle une anecdote assez amusante où j'ai refusé de choisir lâchement, en souffrant beaucoup, mais je n'arrivais pas. J'ai demandé à l'auteur d'intervenir. Je pouvais contacter l'auteur, je l'ai fait. Et c'était assez amusant parce qu'il s'agissait d'un passage dans lequel un oiseau, on ne peut plus féminin, parce que c'était une colombe émeraudine. Quoi de plus délicat qu'une colombe émeraudine, je vous le demande. Ça se passe où? Chez quel auteur? Ça se passait en Angleterre, c'était chez Margaret Drabble. Et si vous voulez, cet oiseau chante et le chant de la colombe est censé exprimer les pensées d'un explorateur vieillissant, voire à l'agonie. Et l'anglais, comme vous le savez peut-être, n'accorde pas les adjectifs. Donc la colombe chantait, je cite, « I'm alone, alone, alone », ce qui signifie « je suis seul, seul, seul ». Et je me trouve face au problème suivant, c'est que si j'écris « je suis seul, le », on perd la référence à l'état d'esprit du personnage masculin. Si j'écris « je suis seul, S-E-U-L », le lecteur va se dire « elle a oublié de faire un accord » puisque c'est la colombe qui chante. Donc il y avait une troisième solution qui consistait à contourner le problème en traduisant autrement que par un adjectif qui s'accorde. Et donc j'avais abouti à « je n'ai personne, personne, personne ». En disant « je suis seul égale je n'ai personne », finalement j'exprime la même réalité. Et ça permet de s'appliquer à tout le monde. Et donc voilà, je me suis permis d'écrire à l'auteur qui était prévenu que je pouvais la contacter. Je lui ai soumis la question. Il se trouve qu'en plus elle connaît le français. Je lui ai dit « voilà ». Est-ce que vous souhaitez faire primer le personnage masculin? Est-ce que vous souhaitez faire primer l'oiseau? Ou est-ce que vous souhaitez contourner le problème? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a opté pour la troisième solution, donc celle qui permettait d'éviter l'accord de l'adjectif, mais pour des raisons différentes des miennes. Ah bon? Oui, parce que moi je m'étais dit, voilà, ça traduit tout en n'insistant sur rien. Et elle a dit, parce que personne, personne, personne, ça fait comme alone, alone, alone. Ouais, ce qui est pas faux. Ce qui est même tout à fait exact. Et donc j'étais à la fois très heureuse de me dire que l'auteur aurait en fait en français un texte exactement conforme à ce qu'elle aurait souhaité si on lui avait demandé de choisir, ce que finalement j'ai fait. Et puis de pouvoir en toute bonne conscience quand même faire une légère écriture, il faut appeler les choses par leur nom, sans être finalement infidèle, sans trahir, puisque j'ai utilisé des termes différents, mais que j'ai réussi à rendre le double aspect de la remarque formulée dans le chant de l'oiseau. Tout ça avec la bénédiction de l'auteur, puisque vous êtes à la disposition de l'auteur quand vous traduisez ces textes, Christine Laferrière. Est-ce que vous appelez souvent les auteurs? Écoutez, c'est vraiment en cas de dilemme. L'auteur n'est pas à mon service. Il y a une difficulté, c'est avant tout à moi de la résoudre. Maintenant, si après un certain nombre de recherches, je vois que l'ambiguïté non seulement subsiste, mais éventuellement se multiplie. Ça peut arriver. Plus vous cherchez, plus vous creusez la tête. Bon, ou que vraiment il y a un terme que vous ne trouvez pas, ou qu'il y a une possibilité d'ambiguïté de compréhension, il faut toujours vérifier. C'est toujours mieux de demander. Donc à ce moment-là, oui, mais ça reste quand même des cas extrêmes. Merci Christine Laferrière. On se retrouve demain pour le dernier épisode de notre série « Être soi dans l'ombre d'autrui ». Les 4 premiers épisodes sont désormais disponibles au podcast en passant par franceculture.fr à la page de l'émission « Un autre jour est possible ». À demain. À demain. Of course you will not know a word of English. And if the chevalier asks as to the particularity of your accent, say you are a Hungarian. You served in the war. You left the army on account of weakness in the loins. You then served Monsieur de Quellenberg for 2 years. He's now with the army in Silesia, but you'll have a certificate signed by him. crime. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. C'est vous l'invité culturel, François Bigaudeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain. Je dis pour ceux qui n'étaient pas en France ces 15 dernières années et qui ont bien choisi leur moment d'ailleurs pour rentrer aujourd'hui. Vous êtes écrivain et votre vie, François Bigaudeau, est au centre de vos romans. Vous avez raconté votre expérience de prof dans la France populaire d'aujourd'hui. Vous avez évoqué votre adolescence provinciale. Vous avez confessé votre rapport aux femmes. Vous êtes revenu sur votre parcours politique et dans le dernier roman, La politesse, toujours édité par Vertical, vous mettez en scène votre vie d'auteur, ou comment, et fait le monde dans lequel vous évoluez. Pourquoi choisir donc le milieu littéraire pour faire une satire aussi bien de ce milieu d'ailleurs que d'époque présente, hein, parce que ça reflète très bien tout le monde d'aujourd'hui. Oui, mais merci de cette précision. D'ailleurs, je préfère dire champ littéraire plutôt que milieu littéraire parce que c'est beaucoup plus vaste. Quand on entend milieu littéraire, on pense à trois rues autour de Saint-Germain-des-Prés qui précisément sont celles qui m'intéressent pas et que je connais peu par ailleurs. Le champ littéraire est plus hexagonal. Il va de la librairie de province à une médiathèque du nord de la France en passant éventuellement par une émission de radio dans la Maison Ronde. C'est tout ça. C'est tout ce... Sans oublier les salons au fin fond de la province la plus reculée de France. Voilà, par exemple, que je connais bien par ailleurs. Donc c'est cette circulation-là que je voulais raconter, d'ailleurs, qui n'est pas tant d'ailleurs ma circulation que celle d'un auteur que j'ai anonymé. Non pas par coquetterie, mais parce que c'est pas du tout un livre sur moi. C'est un livre sur un auteur qui circule et se déplie ce réel. Ah non, mais vous racontez vous racontez des vraies scènes, des vraies rencontres, des vraies tables rondes, des vraies télés, une vraie promotion. Ça, c'est vous, François Bigaudeau. Oui, il y a des petits éléments qu'on reconnaîtra qui sont affiliés à moi, par exemple un ou deux titres de livres. Mais c'était pas exactement. Si j'avais voulu faire un livre sur moi précisément dans ce champ-là, il n'aurait pas du tout ressemblé à ce que j'ai fait. Je pense qu'il aurait été moins. J'ai essayé de faire un livre un peu objectif, quoi, au sens. Un livre de géographe, quoi. C'est des parcours de lieux et de situations. Alors évidemment, bien sûr, il y a un certain nombre de situations que j'ai vécues et qui portent ce saut-là de réalité. Un peu comme La vie des jeunes par Riyad Sattouf, c'est la vie des écrivains avec situation mordante, dialogue hilarant. Les écrivains tels qu'ils sont quand ils sont exposés. C'est ironique pour ne pas dire cynique, mais des fois c'est un peu cynique quand même, François Bigaudeau. Hein. Je crois que le mot cynique, il va falloir le remettre à, va falloir remettre une, à, le compteur à zéro sur cynisme. Si le cynisme c'est Diogène, oui, je suis cynique. Si le cynisme désigne une espèce de satire un peu auto-satisfaite et surplombante, non. Parce que précisément ce que j'ai essayé de faire... Et si c'est une satire c'est... un peu amère, un peu acide... Oui, mais sur, disons, je pense que là où c'est pas de la satire, c'est que je m'inclus dans le truc. C'est-à-dire que cet auteur est complètement partie prenante de ce qu'il décrit, et j'essaie de le montrer lui-même, souvent, d'une certaine manière, co-responsable de la situation. C'est-à-dire que c'est une responsabilité collective. Il participe au dialogue de ce livre, la politesse. D'ailleurs, les dialogues sont très présents, hein, comme si c'était des propos recueillis, retranscrits et partagés avec le lecteur. Alors ça, c'est toute une popote. Hein. Je veux dire, évidemment, il y a des dialogues qui sont issus de choses que j'ai pu entendre, et puis il y a tout un retravail, toute une cuisine, les dialogues c'est souvent à la fois du rapport, du verbatim, mais c'est aussi de la recréation, de la... Voilà, mais que, c'est vrai que j'ai voulu, en tout cas pendant 200 pages, que pendant les deux tiers du livre, que le livre soit particulièrement réaliste, quoi. Et quand bien même je raconterai des choses que je n'ai pas vécues, et bien qu'elles ressemblent un peu au vrai. Voilà, alors au début on se dit, mais enfin pourquoi il nous raconte tout? Comment il nous raconte à quel point il est reçu comme n'importe... Quel vendeur de soupe dans les médias d'aujourd'hui, que ce soit les médias publics, la Maison Ronde ou une chaîne de télévision comme Canal+, pourquoi il nous raconte qu'il est sorti avec l'ancienne ministre de la Culture, pourquoi il nous raconte ça? Et puis au fur et à mesure, quand même, et c'est votre force François Bigaudeau, c'est que la politesse devient vraiment un roman social, hein, parce que ce sont pas les écrivains en train d'écrire leur livre, l'angoisse de l'inspiration, de la page blanche, non, c'est la... c'est leur position sociale dans le monde d'aujourd'hui. C'est quoi un écrivain quand on n'est pas, quand on est une star ou quand on ne l'est pas du tout? Qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Comment on gagne sa vie? Et ça, vous le racontez très bien. Oui, c'est ça. J'avais envie de faire, à partir de mon propre cas, c'est-à-dire autant de choses que j'ai découvertes, moi, en devenant auteur, parce que je ne soupçonnais pas tout ça. Je ne connaissais pas le statut d'un auteur. Je l'ai découvert en le pratiquant. Et j'ai découvert, finalement, sa situation économique, la façon dont se passait un peu tout ça, les invitations dont il était l'objet, qui sont plus ou moins bienveillantes, qui le sont souvent, mais pas toujours, des situations qui, alors qu'elles auraient tout pour être des situations heureuses et des situations de plénitude, à savoir, j'ai écrit un livre et j'en parle, finalement se transforme en, au contraire, des océans de frustration et de malentendus, et tout ça pouvant générer une certaine amertume. Et c'est là que le livre est pour moi aussi un livre psychologique, c'est-à-dire que c'est une espèce de petit manuel de survie en milieu compliqué. Comment arriver à ne pas complètement péter les plombs? Comment arriver à ne pas devenir complètement aigre? Comment arriver à ne pas se laisser gagner à son tour par le ressentiment général? Parce que je pense que le champ culturel est un champ gagné par la mauvaise humeur. Ça va au-delà des écrivains, puisque votre propos, c'est quand même les écrivains. Oui, j'aurais pu, comme il se trouve que en plus je connais d'autres axes culturels, j'aurais pu, mais à un moment, un livre s'écrit en triant et en sélectionnant. Et donc j'ai voulu me concentrer sur une position d'auteur de littérature, parce que ça me paraissait le plus intéressant, sans aller vers d'autres choses un peu plus comme ça périphériques. C'était une façon de calibrer un peu le livre et de recentrer un peu son objet. Est-ce qu'on peut éviter le cirque qu'il y a autour des écrivains? Parce que on voit bien que dans votre livre, que ce cirque-là, c'est-à-dire les salons, aller présenter un livre dans une banlieue où il n'y aura que trois retraités qui seront là pour poser des questions qui n'ont rien à voir avec votre livre, tout ça. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça crée finalement du lien social? Est-ce que ça permet d'installer un écrivain? C'est là où je vous trouve un tout petit peu cynique, parce que des fois on se dit, mais il se moque de tout ça, mais c'est vraiment terrible. Et d'un autre côté, on se dit, et si finalement tout ce cirque-là, c'était aussi l'exception culturelle française, et qu'il faudrait peut-être le défendre avec les faiblesses, avec les défauts qu'il a? Oui, c'est un petit peu comme ça que le truc tient, c'est-à-dire qu'on le défend toujours un peu symboliquement, il est important qu'il y ait de la culture, il est important qu'on la subventionne, etc. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est comment ça se passe vraiment. C'est-à-dire, vous avez par exemple un festival dont je tairai le nom, dont le but est d'envoyer des écrivains en banlieue, et finalement, sous couvert d'envoyer des écrivains en banlieue, ils n'ont jamais affaire dans ces rencontres-là qu'à des retraités blancs qui lisent encore, et donc la rencontre avec la population dite de banlieue visée n'a pas lieu. Donc il y a quand même tout un tas de choses comme ça qui dysfonctionnent. fonctionne. Le livre ne prend pas position pour dire il faut en arrêter avec cette subvention, etc. En revanche, à un moment, je cite un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Martin Page et qui a écrit aussi sur ces questions-là et qui fait dire à Beckett dans un livre qu'il a fait sur Beckett que l'art social profite essentiellement aux artistes. Bah oui, parce que ça les fonctionnarise un peu, ça les rémunère, ça permet d'avoir des compléments de financement par rapport à des ventes de livres qui sont toujours un peu faibles. Et ils en ont bien besoin, comme on peut l'apprendre. En revanche, que ces rencontres-là créent, comme vous dites, du lien social et qu'elles profitent véritablement aux habitants, j'ai un peu de doute. Mais mon but, encore une fois, n'est pas du tout de dénoncer quoi que ce soit, c'est de raconter des situations, avec tout ce qu'elles peuvent avoir de problématiques, d'ambivalentes, de complexes, de nuancées. J'ai essayé vraiment de tisser ça. C'est vraiment un livre qui n'est fait que de situations, hein, qui n'a pas grand-chose, qui commente très très peu les choses. C'est pas du tout un essai sur le milieu culturel. En revanche, c'est intéressant, je trouve, de voir comment ça se passe. C'est intéressant, il me semblait que c'était intéressant, de la même façon que ça avait visiblement intéressé les gens que je raconte un peu ma vie de prof, par exemple, ou que j'ai pu raconter d'autres choses, comme vous l'avez rappelé. Je trouvais que c'était intéressant de ramener des informations pour pas mal de gens qui ne sont pas au courant. C'est intéressant de savoir que parfois, quand on est invité à la radio, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on est interrogé par quelqu'un qui n'a pas lu son livre. C'est intéressant de savoir que quand on est invité à... qu'on reçoit souvent des invitations de journalistes à parler de tout autre chose que de nos livres. Par exemple, donnez-moi vos 3 lieux préférés à Paris. Donnez-moi vos vœux pour la nouvelle année, enfin en tout cas ce que vous escomptez. Je trouvais que là il y avait tout un tas d'informations qui sont, je crois, assez passionnantes pour un lecteur, pour quelqu'un qui s'intéresserait à ces choses-là, au même titre qu'on s'intéresserait à n'importe quel autre pan de la société. Est-ce que vous vous êtes auto-censuré pour écrire ce roman, La Politesse, François Bégaudeau ? Non, c'est pas une histoire de censure, c'est quelque chose qui vaut pour tous les livres, c'est une histoire de délicatesse. C'est-à-dire que moi, je déteste les règlements de compte, je pense qu'un livre ne sert pas à ça. Je n'ai jamais écrit des livres règlements de compte. J'essaie toujours dans mes livres de me mettre à mal moi-même, et je crois que je le fais aussi dans celui-là. Je suis pas, enfin, l'auteur qui est raconté n'est pas toujours un modèle de courtoisie, ni avec les journalistes, ni avec les écrivains, etc. Hein. Donc je m'inclus dans l'affaire. J'aurais pu. On a tous du matos, nous les gens semi-publics ou semi-visibles, on a toujours engrangé énormément d'anecdotes de mauvaise humeur que j'aurais pu à l'envi raconter. Mais c'est pas du tout le livre que j'avais envie de faire, pas du tout. Ce qui fait qu'au bout du compte, il y a très peu de noms propres. Et quand il y a des noms propres qui sont sur la page, c'est rarement au titre de critique ou de satire. C'était pas du tout mon propos. Pourquoi ? Vous avez fait attention à ne pas blesser les uns les autres ? Non, je m'en fous. J'ai pas aménagé les gens, mais j'ai aménagé mon livre. J'ai aménagé la délicatesse et la tenue éthique de mon livre. La Politesse, c'est édité chez Vertical. Merci François Bégaudeau d'être passé ce matin à nous en parler. Merci.